إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 56 dans l'explication du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et ça c'est le résumé, donc le résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid. Et on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 45, au cours numéro 56, mais le chapitre 45. Le cheikh il explique le chapitre qui s'intitule Babun man sabba ad-dahr faqad aza Allah. C'est-à-dire le chapitre au sujet de celui qui a insulté le temps, alors il a offensé Allah. Celui qui insulte le temps, alors il a offensé Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre, c'est le verset 23 dans Surat Al-Jathiyah. Et le verset, il dit: Wa qawlillahi ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ce qui signifie. Dans le verset, donc c'est le verset, on a dit 23, mais c'est pas le 23, c'est 24. Et ils dirent: il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons. Et seul le temps nous fait périr. Donc, ça c'est le verset en question. Puis la suite du verset, wa tamamul aya, wa ma lahum bidhalika min ilm, inhum illa yadhunnun. Ça c'est la suite du verset. Puis c'est ce qui signifie: ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Le Cheikh Al-Fawzan il dit: munasabatul bab li kitab at-tawhid an sabb ad-dahr yatadammanu ash-shirk li'anna sabb ad-dahr idha i'taqada annahu fa'ilun ma'a Allah fa huwa mushrik. Donc, pour quelle raison on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? C'est parce que la personne qui insulte le temps, ça implique une forme de shirk, ça implique du shirk. Parce que la personne, lorsqu'elle insulte le temps, et qu'elle croit, si elle croit que il y a quelqu'un ou quelque chose qui agit ou qui fait quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, cette personne-là est mushrik. Il y a quelque chose qui gère ou qui dirige qu'est-ce qui se produit dans l'univers en dehors d'Allah. Si elle pense ça, alors elle a commis le shirk. Sinon, elle a quand même insulté Allah subhanahu wa ta'ala indirectement. Et on va expliquer pourquoi. Donc, dans les termes qui sont mentionnés, parmi les choses qui sont écrites ici, Azallah, dans le titre, on dit man sabba ad-dahr faqad azallah. Sab, c'est le fait d'insulter. Ad-dahr, c'est le temps. Et faqad azallah, alors il a certes offensé Allah, Al-Adha, on l'utilise pour dire dans le sens de nuire ou de faire du tort, ou bien dans le sens d'offenser aussi. Et bien entendu, on ne peut pas faire du tort à Allah, on ne peut pas nuire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, le sens ici, c'est plutôt d'offenser Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, « Ad Allah, haythu wasafahu bi sifati naqs. » Donc, la personne qui insulte le temps, il a offensé Allah parce qu'il a mentionné, c'est comme s'il a décrit Allah avec des descriptions d'imperfection en insultant le temps. Puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle le temps. Donc le cheikh ensuite mentionne à propos du verset wa qalu ay munkirul ba'th ma hiya ay al hayat illa hayatuna ad-dunya ay allati fi ad-dunya wa laysa hunaka hayatun ukhrawiyyah نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان وما لهم بذلك من علم وما لهم بذلك أي بذلك القول بذلك القول من علم أي لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به ولم يحيطوا بعلمه. Donc qu'est-ce qu'il explique ici? Il explique le verset. Donc قالوا dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ils dirent. Qui a dit ça? C'est ceux qui nient la résurrection parmi les kuffar. Donc ils ont dit, il n'y a que cette vie. Hein? Donc, ma hiya al-hayat, dans cette vie qui existe, la vie qui existe, c'est uniquement celle-ci, c'est-à-dire la vie d'ici-bas. Illa hayatuna ad-dunya. Ils disent, il n'y a pas de vie après la mort. Il y a seulement cette vie dans la vie d'ici-bas. C'est-à-dire pour eux, c'est ça. Et même aujourd'hui, les kuffars, les mushrikines, beaucoup d'entre eux aujourd'hui, c'est ça ce qu'ils disent. Ils répètent cette même parole que répétaient les mouchrikounes à l'époque. Hein? Ils disent non, il n'y a pas de vie après la mort. Il y en a même qui disent l'enfer c'est ici. Hein? Il y en a qui disent l'enfer c'est ici, il n'y a pas d'enfer après. Il y en a d'autres qui disent il n'y a pas de paradis après, c'est juste cette vie d'ici-bas. Hein? Tu fais toi-même ton paradis. Ou des choses de ce genre. Donc ça c'est leur parole et même jusqu'aujourd'hui on entend ces paroles-là aussi de leur part. Namutu wa nahya. Namutu wa nahya, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent et d'autres qui vivent. Ça veut dire, il y a des gens qui meurent et d'autres qui naissent. Hein? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Hein? C'est-à-dire, il n'y a rien qui nous fait périr excepté le temps qui passe. Donc ça, c'est la notion de ce qu'on appelle ad-dahriyun. Hein? Les gens qui croient en l'éternité du temps. Et qui pense que tout se passe en cycle et que y a pas de début, il y a pas de fin. L'univers est éternel, le temps est éternel. Hein? Il y a pas eu de création. Pour eux, tout ne fait que se transformer. Il y a pas de début, il y a pas de fin. Ça c'est la croyance des kuffars parmi les mushrikoun. On a parmi les bouddhistes, il y en a qui croient comme ça aussi. Et d'autres également parmi les kuffars. Ils croient qu'il n'y a pas de début dans l'univers et qu'il n'y a pas de fin. Les choses ne font que se transformer et tourner. D'accord? Donc, il n'y a pas d'autre vie après la mort. Il y a des gens qui meurent, il y a d'autres qui vivent. Il y a des gens qui meurent, d'autres qui naissent. Et ça tourne comme ça. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. C'est seulement le temps qui passe qui nous fait périr. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Cette parole qu'ils disent, ils n'en ont aucun savoir. Ils ne savent rien. Ils n'ont aucune preuve à ce sujet-là. La dalil alahum alayh. Innama qaluhu. Ils l'ont uniquement dit en se basant sur le fait de suivre aveuglément ce qu'ils ont entendu de leur père, hein, ou des choses de ce genre. Walinkar, lima lam yahissu bihi. Ils ne font que nier ce qu'ils n'ont pas pu comprendre ou toucher par leurs sens ou connaître. Hein, eux, ils disent, bon, si on ne peut pas le connaître par nos sens, hein, ça veut dire que ça n'existe pas. Et si on ne peut pas le connaître, on n'a pas eu connaissance de cette chose-là, ça veut dire que ça n'existe pas. Donc, c'est de nier quelque chose par ignorance, hein, de leur part. Donc, ça, c'est le sens du verset, de façon spécifique, si on regarde chaque terme, chaque mot, qu'est-ce que ça signifie. Le sens général du verset, le cheikh il dit al-ma'na al-ijmali lil-aya yukhbiru ta'ala 'an ad-dahriyah min al-kuffar. Wa man wafaqahum min mushrik al-arab fi inkar al-ba'th annahum yaquluna laysa hunaka hayatun ghayra hayatina al-hadira la hayata siwaha yamutu ba'duna wa yuladu ba'duna wa yuladu ba'du al-ba'd al-akhar wa laysa hunaka sababun لموتنا سوى مرور الزمان وتكرر الليل والنهار فرد الله عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا الإنكار إلا مجرد الظن والظن ليس بحجة والمفروض فيما نفى والمفروض في من نفى شيئا أن يقيم البرهان على نفيه كما أن من أثبت شيئا فإنه يقيم الدليل على إثباته. نعم. Donc le cheikh il explique le sens général de ce verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au sujet de Ad-Dahriya parmi les kuffars, hein, ceux qui croient que le temps est éternel, hein, qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin dans l'univers. Et donc, parmi les Dahriyah et également parmi les mushrikines, parmi les Arabes mushrikines qui étaient d'accord avec cette croyance, hein, et qui niaient la résurrection. Ils disent qu'il n'y a pas une résurrection après la mort. Hein? Et le cheikh, il dit, eux, ils disent quoi? Ils disent qu'il n'y a que cette vie, notre vie présente. Hein? Il n'y a pas d'autre vie après, il n'y a pas d'autre vie que celle-là. Certains d'entre nous meurent et d'autres vivent et d'autres naissent. Et il n'y a pas d'autre cause à notre mort excepté le passage du temps qui, hein, qui se répète, la succession des jours et des nuits. C'est ça qui nous fait mourir seulement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réfutés. Il les a réfutés dans le Coran. Hein, et il leur a mentionné qu'ils n'ont aucune preuve à ce sujet-là. Hein, ils n'ont aucune preuve pour nier ce qu'ils ont nié, excepté des conjectures. Et la conjecture, bien entendu, ce n'est pas une preuve. Donc, celui qui nie quoi que ce soit, il doit ramener une preuve pour sa négation. De la même manière que celui qui affirme quelque chose doit aussi ramener une preuve pour affirmer ce qu'il affirme. Le cheikh, il dit ensuite, « Muna sabatul ayati lilbab » أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. Le cheikh il explique pourquoi on mentionne ce verset dans le chapitre en question. Il dit que celui qui a insulté le temps, et bien c'est comme s'il est, hein, complice avec ces gens-là parmi les dahriya. C'est comme s'il est avec eux dans le fait d'insulter quand il insulte le temps, hein, puisque ces gens-là c'est ça ce qu'ils croient, donc il est comme avec eux, complice avec eux dans leur croyance et dans leur aqidah, hein, puisque c'est eux qui croient que c'est le temps qui fait tout, c'est le temps qui fait les choses, hein. Ensuite le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْآيَةِ. Donc qu'est-ce qu'on tire comme point bénéfique de ce verset? Premièrement, أولا إثبات البعث والرد على من أنكره. Donc d'affirmer la résurrection et de réfuter ceux qui nient, hein, qui la nient. Deuxièmement, ذم من ينسب الحوادث إلى الدهر. C'est-à-dire le blâme de la personne qui attribue les événements et les choses qui se produisent au temps. Hein? Donc le blâme de celui qui attribue les événements au temps. qui prétend que c'est le temps qui fait que les choses se font. Hein? Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout, et non le temps. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle le temps également, hein? Et qui fait que les choses puissent bouger. Hein? Et notre notion du temps, elle est basée sur ça. C'est-à-dire notre notion du temps, elle est basée sur les choses qui changent et qui bougent et qui avancent. Hein? Et la preuve, c'est que si quelqu'un, on le met dans une pièce fermée et qu'il ne voit rien de l'extérieur, il ne voit rien qui bouge autour de lui, et qu'on le laisse là pendant un mois, eh bien, il ne saura pas combien de temps s'est écoulé. Il ne saura pas combien de temps s'est écoulé dans cette pièce-là s'il n'a aucun moyen de voir l'extérieur. Pourquoi ? Parce que nous, on se base pour savoir le temps par rapport aux choses autour de nous qui changent et qui bougent, hein, comme le soleil, le mouvement des étoiles, du soleil et de la lune. C'est ça qui nous fait connaître le temps. Hein? Et bien entendu, maintenant, on a des horloges, des trucs comme ça, mais tout ça, c'est basé sur le mouvement des astres. Mais si tu es dans une pièce enfermée pendant des mois et que tu vois rien de l'extérieur et tu vois personne, tu pourras pas savoir combien de temps s'est écoulé. Hein? Ça pourrait être un mois, ça pourrait être une année, ou plus ou moins, tu pourras pas savoir exactement. Tu peux te douter peut-être, hein, un peu, mais tu peux pas savoir avec exactitude. Donc le temps qui passe et les mouvements et les choses qui bougent et tout ce qui se passe autour de nous, tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé et c'est lui qui le contrôle. Donc c'est pour cette raison-là donc que c'est pas le temps qui nous fait mourir, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la vie et qui contrôle la mort et qui décide dans tout ce qui se passe dans l'univers. Et c'est lui qui fait que les choses se produisent. Donc je ne veux pas affirmer quoi que ce soit de ces choses-là à autre qu'à l'attribuer à autre qu'à Allah. Troisième point, anna man nafa shay'an fa huwa mutalibun bid dalil ala nafihi kal muthbit. Donc il dit le cheikh que celui qui nie quelque chose, alors on lui demande, on doit lui exiger la preuve, de la même manière que on l'exige de la personne qui nie, de la même manière qu'on l'affirme de la personne, de la même manière qu'on l'exige de la personne qui affirme quelque chose. Hein? Donc celui qui nie quelque chose, on exige de lui une preuve pour ce qu'il a nié, de la même manière qu'on exige une preuve pour celui qui affirme. Le point numéro 4, anna dhann la yu'tamadu alayhi fi al-istidlal fi al-aqaid. Donc le point numéro 4, il y a le point que la conjecture et les suppositions, on ne se base pas là-dessus pour établir des preuves dans la croyance. On doit uniquement se baser sur des preuves claires. Hein? Et le cheikh ensuite il explique le deuxième hadith qui est rapporté dans ce chapitre, qui est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il dit: wa fi as-sahih an Abi Hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala yu'zini ibn Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. Donc le cheikh il mentionne donc ce hadith qui est apporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Hurayra radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ta'ala dit, donc c'est un hadith qudsi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la parole d'Allah, hein. Il dit, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur m'offense, il insulte le temps et je suis le temps, je fais tourner le jour et la nuit. Et dans une autre narration, il dit, n'insultez pas le temps parce que Allah est le temps, parce que certes Allah c'est lui le temps. Donc le cheikh explique. Maintenant ce hadith. Il dit, wa fi sahih, ay sahih al-Bukhari, yu'zini, comme on l'a dit tout à l'heure, ça vient de al-aza, hein. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit yu'zini ibn Adam, donc le fils d'Adam m'offense, hein. Et le cheikh il explique que yu'zini ça veut dire yatanaqqasuni, hein, c'est-à-dire il essaie de me rabaisser, de me diminuer. Donc le fils d'Adam essaie de me rabaisser et de me diminuer. Yasubbu ad-dahr ay yadhum yadhumuhu wa yalumuhu 'inda al-masa'ib allati عند المصائب التي تنزل. Donc il dit que le fils d'Adam, qu'est-ce qu'il fait pour, comment il fait pour, ou qu'est-ce qu'il fait pour offenser Allah ou pour le diminuer, il le blâme, c'est-à-dire il blâme le temps lorsqu'il y a quelque chose qui se produit, lorsqu'il insulte le temps. De quelle façon il insulte le temps? En blâmant le temps et en se plaignant du temps lorsqu'il y a un malheur qui se produit, comme si c'était la faute du temps, hein, et des jours qui passent, hein, lorsque quelqu'un meurt ou quelque chose comme ça, la personne elle est fâchée ou triste, et donc elle se met à insulter le temps. Et donc, le cheikh, il explique donc la suite, donc qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith. Wa ana ad-dahr. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et je suis le temps. Ay sahibu ad-dahr, mudabbiru al-umur allati yansibunaha ila ad-dahr. Donc, il dit, le cheikh, ça signifie, c'est moi le maître du temps, celui qui, hein, gère toutes les affaires qui se produisent. Et que ces gens-là attribuent au temps. Donc, c'est pas le temps qui fait quoi que ce soit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère et qui contrôle le temps. Donc, en insultant le temps, on insulte Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui gère et qui contrôle le temps. Et il dit ensuite, pour expliquer, uqallibu al-layla wa al-nahar. C'est-à-dire, je fais que le jour et la nuit se succèdent et se suivent. بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر. Donc, le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait tourner le jour et la nuit et qui les fait se succéder l'un après l'autre et qui fait se produire tout ce qui se produit dans le jour et dans la nuit, comme que ce soit bien ou mal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide et qui contrôle tout ça. Hein? Donc on parle pas juste du temps, c'est-à-dire l'heure qui passe. On parle du temps en voulant dire la vie et tout ce qui se passe dedans aussi. Et le changement, le passage des jours et des nuits, ça fait partie justement du temps. Donc c'est, hein, dans ce sens-là. Et ça implique également aussi d'insulter, comme on va le voir dans d'autres chapitres aussi, d'insulter par exemple la température, le climat, la pluie, le froid, la neige, la chaleur, ou ainsi de suite, des choses comme ça. Hein? On ne peut pas insulter ces choses-là, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les contrôle et qui les dirige et qui les gère. Donc si on les insulte, on insulte indirectement Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc ça c'est grave. الشيخ يقول وفي رواية أي لمسلم وغيره. donc c'est rapporté par البخاري ومسلم. il dit ensuite فإن الله هو الدهر. dans une autre narration rapportée par مسلم et d'autres, il dit parce que Allah c'est lui qui est le temps. أي هو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر. c'est-à-dire c'est Allah سبحانه وتعالى qui fait en sorte que c'est lui qui fait en sorte que les choses se fassent et se produisent dans le temps et dans l'univers. Et tout ce qui se produit, c'est parce qu'il l'a voulu, que ce soit bon ou mauvais. Hein? Donc ça, c'est tout ce qui se produit est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit ensuite, al-ma'na al-ijmali lil-hadith. يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الذي يسب الدهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص، لأنه سبحانه هو الذي يجري فيه الأفعال وحده، والدهر إنما هو خلق مسخر وزمن تجري فيه الحوادث بأمر الله تعالى. Donc, le Cheikh explique le sens général de ce hadith. Et il explique que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté de son Seigneur, Azza wa Jal, que celui qui insulte le temps, lorsque un malheur arrive, ou quelque chose que la personne n'aime pas, lorsqu'elle insulte à ce moment-là le temps, en réalité, elle insulte Allah subhanahu wa ta'ala. Elle insulte Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça. Parce qu'elle fait offense à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout ce qui se produit. Et c'est lui qui fait tout ce qui se passe. Et c'est lui seul qui contrôle ce qui se produit dans l'univers. Et le temps, ce n'est en réalité qu'une créature assujetti à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, et yani, le temps dans lequel se produisent les événements, tout ça c'est par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Wa munasabatu al-hadith lil-bab anna fihi anna man sabba ad-dahr faqad aadha Allah ay tanaqqasahu. Donc dans le hadith, l'occasion pour, dans laquelle on a mentionné yani, pourquoi on a mentionné ce hadith dans le chapitre, c'est parce que dedans on mentionne que celui qui a insulté le temps, il a offensé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il l'a diminué ou rabaissé, ou ainsi de suite. Bien entendu, personne ne peut rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala réellement, mais la personne, elle, c'est comme si elle a essayé de rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala en le décrivant par des termes qui sont des paroles ou des choses qui sont yani, offensantes pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا دُرِّي فَتَدُرُّونِي وَلَمْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans un hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit vous n'arriverez jamais à me faire un tort pour me nuire, et vous n'arriverez jamais non plus à me faire un bien pour me profiter en quoi que ce soit. Donc l'être humain, peu importe qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il fait, il peut pas atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est quand même un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme s'il essaie de, la personne dit des choses qui ne conviennent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour expliquer et clarifier un peu plus. Le Cheikh il dit ensuite وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, تَحْرِيمُ سَبِّ الدَّهْرِ, l'interdiction d'insulter le temps. ثَانِيًا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. Deuxièmement, l'obligation de croire en le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 3, أن الدهر خلق مسخر. C'est-à-dire que le temps, c'est une créature assujettie à Allah et soumise à Allah. Et le point numéro 4, أن الخلق قد يؤذون الله بالتنقص وَلَا يَضُرُّونَهُ. Quatrièmement, que la créature peut offenser Allah subhanahu wa ta'ala en le diminuant, en essayant de le diminuer ou de le rabaisser par leurs paroles, mais ils ne peuvent pas lui nuire ou lui faire du tort ou lui faire un tort quelconque. Naam. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné par rapport à ce chapitre. Ensuite il y a un autre chapitre qui tout de suite après, c'est le chapitre numéro 46. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. c'est-à-dire de s'appeler le juge des juges, ou des termes de ce genre, hein, comme juge des juges, roi des rois, hein. Ça, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit de s'appeler comme ça. Le cheikh explique, il dit, وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة أخبثه أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. Bon, التسمى بقاضي القضاة, on a dit, c'est le fait de se donner comme titre ou comme nom le juge des juges, ou des termes de ce genre, comme le roi des rois ou autre. Le hadith est rapporté par Abu Huraira selon est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui aura le nom le plus bas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pour Allah subhanahu wa ta'ala sera la personne qui s'est appelée le roi des rois, parce qu'il n'y a pas de roi excepté Allah. Et Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, je pense que c'est Sufyan ibn Uyayna, il a dit, comme par exemple de dire Shahan insha, ça veut dire le roi des rois. Parce que Shah, dans la langue perse, c'est un roi. Hein, comme quand on dit par exemple le Shah d'Iran, ça veut dire le roi d'Iran. Shah, en langue perse, ça veut dire roi. Donc, Shahan in Shah, ça veut dire le roi des rois. Donc, peu importe dans quelle langue la personne le dit, c'est haram de porter ce titre ou ce nom. Et le cheikh, il mentionne ensuite l'autre narration. Il dit, et dans une autre narration, أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. C'est-à-dire la personne qui aura ce titre ou qui s'était donné ce titre ou ce nom, eh bien, elle sera au jour de la résurrection la personne qui sera la plus mauvaise et celle contre laquelle Allah subhanahu wa ta'ala sera le plus en colère. Et le cheikh explique donc, cheikh Al-Fawzan, il dit munasabatu hadha al-bab likitab at-tawhid. Donc pourquoi on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Il dit بيان أن التسمي باسم فيه مشاركة لله في التعظيم شرك في الربوبية. Le cheikh explique que le fait de se nommer ou de se donner un nom ou un titre dans lequel il y a dans lequel il y a un respect dedans qui est un respect qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et que quelqu'un essaie de s'approprier ce genre de nom-là, eh bien ça, il y a dans ça une forme de shirk dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et na'am, dans la rububiyya. Donc la personne qui s'appelle comme ça, c'est comme si elle veut prendre une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou s'attribuer quelque chose qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala pour devenir partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette caractéristique-là ou dans ce nom-là. Hein? Et donc c'est pour ça que ça consiste ou ça comporte une forme de shirk dans al-rububiyya. Al-Tarajum, il dit le cheikh Sufyan, wa huwa Sufyan ibn Uyayna ibn Maymoun al-Hilali, thiqatun hafidhun faqih. ولد بالكوفة سنة 107 وسكن مكة ومات فيها سنة 198 هجري رحمه الله هجريا رحمه الله. Donc Sufyan, comme je disais, c'est Sufyan ibn Uyayna ibn Maymoun al-Hilali. C'est un grand savant parmi les imams des salafs. un imam parmi les imams des salafs qui vivait à l'époque de l'imam Malik, hein, et c'était celui qui était à Mecca à l'époque où Malik était à Médine, hein, et c'est un des savants de la même catégorie, du même niveau que l'imam Malik. C'était le mufti de Mecca à son époque, et c'est un rapporteur aussi parmi les rapporteurs de hadith, parmi les ulama de hadith, et il est siqa, hafizun faqih, hein, il est un parmi les fiables des narrateurs, et un mémorisateur, et un faqih également, un savant. Donc il est né à Koufa en l'an 107, hein, de la Hijra, et il a vécu donc à Mecca, et il est mort en l'an 198 après la Hijra. Donc rahimahullah. Le cheikh, il dit donc il donne l'exemple donc du hadith, il est clair, donc il n'a pas mentionné de détails par rapport à ça. Il a dit wa nahwihi dans le titre, hein, babu at-tasammi bi qadi al-qudat wa nahwihi. At-tasammi bi qadi al-qudat, al-qadi c'est le juge. Et qadi al-qudat, qudat c'est le pluriel. Qadi c'est un juge. Qudat c'est pluriel, ça veut dire plusieurs juges. Donc c'est comme si on dit qadi al-qudat, le juge des juges. Hein? Et wa nahwihi, ça veut dire, et des noms qui sont dans ce sens-là, ou dans ce, il y en a qui sont semblables à ça. Donc peu importe le nom. Comme le cheikh il dit, ay nahwu qadi al-qudat ومثل حاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات et ainsi de suite. Tout ça c'est dans ce sens là le roi des rois, le juge des juges, hein, le président des présidents, le dirigeant des dirigeants, le maître des maîtres, et ainsi de suite. Ça c'est un terme qui, hein, un nom ou un titre qui appartient uniquement à Allah, parce que c'est lui qui est le roi des rois, le maître des maîtres, hein, le juge des juges, hein, et personne d'autre que lui. Il dit ensuite au fils sahih et fils sahihain. Je ne sais pas si je me souviens, une fois j'avais entendu dernièrement, ou bien il y a quelques années encore, je ne sais pas si j'avais bien entendu ou non, Allahu alam, mais si je me souviens, une fois, il y a même l'ancien président de la Libye, Kadhafi, qui s'appelait parfois le roi des rois. Hein? Donc ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'appeler ou de se qualifier de roi des rois. Personne peut s'appeler roi des rois excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui se donne ce nom-là, c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala va, hein, le punir d'une punition et l'humilier et le rabaisser comme il peut humilier, comme personne d'autre. Donc ça c'est des choses qui doivent nous faire réfléchir quand quelqu'un veut s'approprier des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des titres qui appartiennent uniquement à Allah. Hein, qu'est-ce qui peut arriver par la suite? Si c'est pas dans cette dunya, c'est dans l'au-delà, la personne va être châtiée, ça c'est certain. Et le cheikh il dit وفي الصحيحين وفي الصحيحين وفي الصحيحين في الصحيحين يسمى مبني للمجهول أي يدعى بذلك ويرضى به وفي بعض الروايات تسمى يعني بالتاء أي سمى نفسه بذلك يسمى صديق إلي نومي par ce nom là. Hein? C'est-à-dire at-tasammi, ça veut dire de se nommer par ce nom-là ou bien de se faire nommer. Donc parce que c'est dans certaines éditions, dans certaines versions, on dit yusamma, c'est-à-dire la personne elle est nommée de cette façon-là par quelqu'un ou par des gens. Et que quand elle est appelée par ce nom-là, elle est satisfaite de ça, elle est contente de ça. Donc ça rentre là-dedans. Tandis que si la personne, elle se fait appeler par ce nom-là, mais qu'elle n'est pas satisfaite, hein, elle n'aime pas ça, donc dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Mais si la personne, on l'appelle roi des rois, et elle est contente, elle est satisfaite de ça, là, il rentre dans, il en est dans la menace. Ou bien qu'elle se nomme elle-même comme ça, hein, c'est-à-dire c'est elle qui se donne ce titre. Hein? Donc ça c'est un exemple, ça c'est dans certaines versions aussi. Malikul Amlak, Malikul Amlak, le roi des rois. Ou bien Malikul Muluk des fois, on entend. Donc Al-Amlak c'est Jam'u Malik, Bikasri Lam. Donc Amlak c'est le pluriel de Malik. La Malika illallah. هذا رد على من فعل ذلك بأنه وضع نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le hadith après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de roi excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la réponse à celui qui fait cela, hein, parce que il s'est placé lui-même comme un associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans qu'est-ce qui lui est particulier. Hein, qu'est-ce qui fait partie de ses noms et ses caractéristiques spécifiques. Wa shahan in sha, shahan, ça doit être en perse le pluriel de shah. Shahan, ça doit être le pluriel de shah. Et donc ça voudrait dire le roi des rois. Parce que d'après ce que je comprends, Allahu a'lam, mais en perse, le alif et le noun à la fin d'un mot, c'est comme si c'est pour eux, c'est le plus, dans leur langue, c'est le pluriel. C'est comme par exemple taliban, et bien pour eux, c'est le pluriel de talib. Donc shahan, ça doit être le pluriel de shah. Bon, je suis pas spécialiste dans la grammaire perse, mais c'est ce qui m'apparaît le plus évident, Allahu a'lam. Et le cheikh il dit donc وهو عبارة عند العجم عن ملك الأملاك وهو تمثيل لا حصر. Donc c'est juste un exemple que Sufyan ibn Uyayna rahimahullah a donné dans une langue, mais c'est bien entendu c'est pas pour limiter l'exemple à cette langue là ou à cette expression là. C'est toute autre langue et toute autre expression dans laquelle on trouve ce sens-là. Hein? Donc peu importe que ce soit en français, en anglais, en chinois, en grec, en japonais, en italien, peu importe quelle langue, du moment que ça donne le même sens, on n'a pas le droit de le donner à quelqu'un, de donner ce titre à quelqu'un ou ce nom à quelqu'un, autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وفي رواية أي لمسلم في صحيحه. Donc dans une autre narration, c'est-à-dire narration de l'imam Muslim dans son Sahih, il dit أغيظ رجل الغيظ مثل الغضب والبغض أي أنه يكون بغيضا إلى الله. Donc dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que elle sera la personne la plus détestée. Hein, et contre laquelle Allah sera le plus en colère au jour de la résurrection, et la personne la plus mauvaise. Ça veut dire quoi? Le cheikh il explique que Al-Ghayz c'est comme la colère et la haine. Donc cette personne là sera détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbathuhu ay abtaluhu ay yakunu khabithan 'inda Allah maghduban 'alayhi. Donc ce sera la personne qui sera la plus mauvaise et qui aura la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. المعنى الإجمالي للحديث يخبر الله سبحانه وتعالى يخبر صلى الله عليه وسلم أن أوضع الناس عند الله عز وجل من تسمى باسم يحمل معنى العظمة والكبرياء التي لا تليق إلا بالله كملك الملوك لأن هذا فيه مضاهة لله وصاحبه يدعي لنفسه أو يدعى له أنه ند لله فلذلك صار المتسمي بهذا الاسم من أبغض الناس إلى الله وأخبثهم عنده. Donc le cheikh il explique il dit, le sens général de ce hadith, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la personne la plus basse, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, cela sera la personne qui s'est nommée elle-même un nom, qui s'est nommée elle-même par un nom qui a la signification de la grandeur et de la fierté ou de la majesté, qui ne peut convenir qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le roi des rois. Parce qu'il y a dans le fait de se donner ce nom-là une imitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne qui donc s'appelle ainsi ou se fait appeler ainsi par les gens, hein, alors c'est comme si elle se place comme un équivalent ou un égo avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là que de se donner ce nom, la personne qui se donne ce nom-là, elle devient une des personnes qui est le plus détestée d'Allah subhanahu wa ta'ala, une des plus mauvaises, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadith lil bab. Pour quelle raison on mentionne ce hadith dans ce chapitre? Le cheikh il dit أنه يدل على تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه قياسا على تحريم التسمي بملك الملوك الوارد ذمه والتحذير منه. Le cheikh explique que le hadith dans ce chapitre il prouve qu'il est interdit de s'appeler le juge des juges, de la même manière, hein, par analogie on peut comprendre que c'est interdit, comme c'est interdit de s'appeler le roi des rois, hein, puisque il y a dans ce hadith la mention du blâme et de l'avertissement de ce nom-là. Donc par analogie avec le roi des rois, on peut dire qu'il est interdit de s'appeler le juge des juges, ou tout autre nom qui ont ce sens-là. وما يستفاد من الحديث أولا تحريم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. Donc on peut tirer de ce hadith le fait qu'il est interdit de s'appeler le juge des juges ou quelque chose de semblable. ثانيا وجوب احترام أسماء الله تعالى. C'est-à-dire l'obligation de respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا الحث على التواضع واختيار الأسماء المناسبة للمخلوق والألقاب المطابقة له. Donc le cheikh il explique que également le point numéro 3 c'est que il y a dedans l'incitation à la modestie, à être humble et à choisir les noms qui correspondent aux créatures et les titres aussi qui correspondent au niveau et au degré des créatures, et pas d'essayer de s'élever ou de s'approprier un nom qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit ensuite le chapitre numéro 47, hein, c'est le chapitre suivant. Babun ihtiramu asma'illahi ta'ala وتغيير الاسم لأجل ذلك. C'est-à-dire le chapitre au sujet du fait qu'on doit respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on doit changer le nom dans le but justement d'avoir de montrer ce respect envers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala si c'est nécessaire, hein? Et on va comprendre en lisant qu'est-ce qui est mentionné dans le chapitre à ce sujet. Le cheikh il dit عن شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد فقلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est rapporté par Abu Dawood et par Al-Bayhaqi et Al-Hakim dans Al-Mustadrak. Il dit, selon Abi Shuraih radiyallahu anhu, il dit qu'il prenait comme kunya le nom Abul Hakam. Donc il avait comme kunya le nom Abul Hakam. Et le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Hakam. Et c'est à lui que revient le hukum, c'est-à-dire c'est à lui que revient le jugement. Allah, c'est lui le juge, et c'est à lui que revient le jugement. Alors, Abu Shuraih a dit quoi? Il a dit, mon peuple, lorsqu'ils ont une divergence en quoi que ce soit, ils viennent me voir, et moi je juge entre eux, et les deux parties sont satisfaites. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, quelle belle chose, hein, quelle belle chose que celle-ci. Et il lui a demandé ensuite, et combien as-tu d'enfants, ou bien qu'est-ce que tu as comme enfant? Alors il a répondu, Shuraih et Muslim et Abdullah, hein, il a ses trois enfants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, et lequel d'entre les trois est le plus vieux? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Shuraih a répondu, hein, que le plus vieux c'était Shuraih. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors dans ce cas-là, ta kunya c'est Abu Shuraih. Hein, ta kunya maintenant c'est Abu Shuraih. Et le cheikh explique donc pour quelle raison on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid. Munasabatu هذا الباب لكتاب التوحيد أن احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم من أجل ذلك من تحقيق التوحيد. Donc de montrer du respect envers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de changer un nom dans ce but-là, donc ça fait partie de réaliser la signification réelle du tawhid, hein, et de perfectionner le tawhid. Donc le cheikh explique at-tarajum Abu Shuraih ismuhu Hani ibn Yazid al-Kindi sahabi nazal al-Kufa وتوفي بالمدينة سنة 68 هجريا رضي الله عنه. Donc le nom de Abu Shuraih c'est quoi? Donc sa kunya c'est Abu Shuraih, mais son nom c'est Hani ibn Yazid al-Kindi, et c'est un sahabi, et il est allé vivre à Kufa par la suite, et il est mort dans la ville de Al-Madina en l'an 68 de la Hijra رضي الله عنه. احترام أسماء الله أي تعظيمها واحترامه واحترمه رعى واحترمه رعى حرمته وهابه. Donc احترام أسماء الله, qu'est-ce que ça veut dire l'احترام? L'احترام ça veut dire التعظيم. التعظيم qu'est-ce que c'est? C'est le fait de montrer du respect à quelque chose et d'exalter quelque chose, hein. Et quand tu dis ihtaramahu, c'est-à-dire il a pris en considération le respect qu'il doit à cette chose, le côté sacré que cette chose-là possède, hein, et yani, il lui a montré donc un respect dans ce sens-là. تغيير الاسم تغيير الاسم أي تحويله وتبديله وجعل غيره مكانه. Donc le changement du nom, ça veut dire, bon, bien entendu, de prendre un nom puis d'en mettre un autre à sa place. C'est ça. Donc من أجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله, c'est-à-dire de changer le nom dans le but de montrer le respect envers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va expliquer la suite maintenant. Le cheikh il dit, وَيُكْنَا كَانَ أَنَّهُ كَانَ يُكْنَا أَبَا الْحَكَمِ. Donc Abu Shuraih, avant, on lui donnait une kunya. On lui donnait la kunya de Abu al-Hakam. الْكُنْيَا مَا صُدِّرَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍ. Donc la kunya c'est quoi? c'est un nom qui est, c'est un mot qui est précédé par Umm ou par Ab. Donc Abu Huraira, Abu Shuraih, Abu al-Hakam, Abu Hamad, Abu Huzaifa, Abu Amina, ou bien yani Abu Usama. Donc il y a plein de kunya comme ça que quelqu'un peut avoir. Abu al-Fadl, Abu al-Fadl c'était la kunya de Ibn Taymiyyah. Il y a beaucoup de yani de gens qui ont des Abu Hanifa. Donc, beaucoup de kunya comme ça. Abu Bakr. Donc eh bien il y a aussi avec Umm Kulthum et Umm Muhammad, Umm Ahmad et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples qu'on appelle une kunya, et c'est un nom, c'est un surnom qu'on donne à quelqu'un, et souvent c'est par signe de respect qu'on utilise la kunya. On appelle quelqu'un par sa kunya pour l'honorer, et donc c'est bien d'avoir une kunya, c'est bien d'avoir une kunya, et souvent aussi qu'est-ce que les gens font, c'est qu'ils leur on leur donne une kunya par rapport aux enfants qu'ils ont, par rapport par leur, on les appelle par rapport à leurs enfants, on va dire Abu un tel par rapport à l'enfant qu'il a, mais c'est pas nécessaire, c'est pas nécessairement le cas. C'est-à-dire, c'est pas nécessaire que pour qu'on appelle quelqu'un Abu Fulan pour qu'il ait un enfant qui s'appelle par le nom. Parce que Abu Huraira, on l'appelait Abu Huraira pas parce qu'il avait un enfant qui s'appelait Huraira, mais parce que plutôt il aimait les chats et il avait un petit chat, et le chat en arabe on l'appelle Al-Hir, et un petit chat c'est Huraira. Un chaton. Donc on l'appelait Abu Huraira parce qu'il avait toujours ce chaton là avec lui. Et Abu Turab, Ali radiallahu anhu, on l'appelait Abu Turab parce qu'il était toujours avec de la poussière sur lui. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé comme ça. Et yani Abu al-Hakam, il l'explique même dans le hadith, on l'appelait Abu al-Hakam pourquoi? Parce que il jugeait entre les gens de son peuple. Et les gens l'ont appelé comme ça. D'accord? Donc, c'est pas nécessaire que ce soit parce que quelqu'un a un enfant qui s'appelle ce nom-là. Et le cheikh, il dit donc, Al-Hakam, min asma'illah. Min asma'illahi ta'ala. Wa ma'nahu al-hakim. Alladhi, iza hakama, la yuradda hukmuhu. Donc, Al-Hakam, c'est un des noms d'Allah. Donc, c'est. C'est pour ça que ce n'était pas possible pour, yani pour ce sahabi, Hani, de s'appeler Abu al-Hakam, puisque Al-Hakam c'est Allah. Donc est-ce que quelqu'un peut s'appeler le père d'Allah? Non, a'udhu billah. Donc Abu al-Hakam, ce n'est pas une kunya que quelqu'un peut avoir. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé donc de changer cette kunya. Parce que le cheikh il explique ici que Al-Hakam c'est un des noms d'Allah et qui signifie celui qui est le juge, et que lorsqu'il juge, on ne peut pas rejeter son jugement et son verdict. C'est ça que ça veut dire Al-Hakam. Wa ilayhi al-hukm ay al-fasl bayn al-ibad fi ad-dunya wal-akhirah. Donc c'est lui le juge, c'est-à-dire c'est lui qui tranche entre ses serviteurs en toute vérité dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc c'est pour cette raison-là, donc pour faire comprendre à ce sahabi qu'il ne peut pas s'appeler Abu al-Hakam, c'est pas possible. Ensuite il a expliqué, donc comme on a dit tout à l'heure, il a expliqué pourquoi il s'appelle Abu al-Hakam, pourquoi les gens l'ont appelé Abu al-Hakam. Il dit inna qawmi ila akhirihi, en voulant dire hey, ana lam akun aw lam ukanni nafsi bi hadhihi al kunya wa innama kannani biha qawmi. Donc lui, qu'est-ce qu'il répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam en expliquant que yani lorsque je dans mon peuple je suis un juge, et quand je juge ils sont satisfaits et ainsi de suite, Et il répond ça pour dire, comme le cheikh explique ici, c'est-à-dire, c'est pas moi-même qui a choisi cette kunya. Hein? C'est les gens qui m'ont appelé ainsi parmi les gens de mon peuple. Alors le cheikh, il dit ensuite, en expliquant la suite, ma ahsana hada. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma ahsana hada. يعني الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالإنصاف والتحري العدل donc, ما أحسن هذا c'est quelle belle chose comme c'est une chose qui est يعني, en voulant dire c'est une chose qui est belle يعني. Et de quoi qu'est-ce qu'il veut dire par là le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire le fait de faire la يعني, la réconciliation entre les gens et d'arranger les problèmes entre les gens et de juger entre eux avec justice et de chercher à être juste tout ça c'est des choses bonnes et donc il lui a demandé par la suite combien as-tu d'enfants lequel d'entre eux est le plus vieux et puis après il a dit Shuraih c'était le plus vieux alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Anta Abu Shuraih hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a choisi lui-même une kunya et lui a donné cette kunya hein? Tu es donc Abu Shuraih كنا بال كناه بالأكبر رعاية لأنه أولى بذلك. Donc il lui a donné la kunya par rapport à son enfant le plus vieux, hein, parce que c'est pour prendre en considération donc le yani le fait qu'il est le premier et que c'est lui qui mérite le plus hein, d'être dans la kunya de yani de son père. المعنى الإجمالي للحديث le sens général de ce hadith. Cheikh il dit استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي تكنيه بأبي الحكم لأن الحكم من لأن الحكم من أسماء الله وأسماء الله يجب احترامها فبين له الصحابي سبب هذه التكنية وأنه كان يصلح بين قومه ويحل مشاكلهم بما يرضي المتنازعين فأحسن النبي صلى الله فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل دون التكنية ولذلك غير فكناه بأكبر أولاده donc le cheikh il montre que le prophète il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénoncé ou a désapprouvé yani la kunya de ce compagnon de ce sahabi et du fait qu'il s'appelait Abu al-Hakam parce que al-Hakam fait partie des noms d'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala il faut respecter ces noms alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani l'homme a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam yani, la cause de cette kunya, pourquoi il s'appelait comme ça, en disant que c'est parce qu'il jugeait entre les gens de son peuple et qu'il il rendait les deux parties satisfaits. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il trouvait que ça c'était quelque chose qui était bien. Toutefois, il a désapprouvé la kunya elle-même et il lui a donc changé sa kunya par son fils qui était le plus vieux d'entre ses fils. Wa munasabatu al-hadith lil-bab. Donc ça implique, comme on va le voir, beaucoup de choses. Wa munasabatu al-hadith lil-bab annahu yadullu ala al-man'i min ihanatin aw min ihanati asma'illah bit-tasammi bi-asma'ihi ta'ala al-mukhtassa bihi wa at-takanni bidhalik. Donc le cheikh il explique que pourquoi on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que ça prouve qu'il est interdit de manquer de respect envers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de s'appeler par un de ces noms qui lui est spécifique ou de prendre un de ces noms comme kunya. Alors parmi les points qu'on peut tirer de ce chapitre et de ce hadith, ma yustafadu min al hadith fihi tahrim imtihan فيه تحريم امتهان أسماء الله والمنع مرامها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. Donc il y a dans ça l'interdiction de dénigrer les noms d'Allah et l'interdiction de de prendre un nom ou de faire avec un des noms d'Allah ce qui peut donner ce qui peut donner l'impression d'un manque de respect envers ces noms, comme par exemple de s'appeler Abul Hakam, par exemple. Deuxièmement, أن الحكم من أسماء الله، c'est-à-dire que الحكم fait partie des noms d'Allah سبحانه وتعالى. ثالثا، جواز الصلح والتحاكم إلى من يصلح للقضاء، من يصلح للقضاء، وإن كان لم يكن قاضيا، وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه. يلزم حكمه. La permission de faire des ententes, hein, et de juger et de prendre pour juge la personne qui fait du bien et qui réconcilie les gens par son jugement, même si cette personne-là n'est pas un juge. Donc ça veut dire qu'on a le droit de prendre pour juge quelqu'un qui n'est pas nécessairement un juge, du moment que cette personne, lorsqu'elle juge, hein, elle ramène du bien, hein, et elle amène les gens à se réconcilier et à corriger les problèmes, et qu'il faut suivre son jugement. رابعا أنه يكنى الرجل بأكبر بنيه. Quatrièmement, qu'on donne à quelqu'un une kunya en le donnant par son plus grand fils. Hein, on lui donne la kunya par rapport à son fils le plus vieux. Cinquièmement, mashru'iyyatu taqdim al-kabir. C'est-à-dire qu'il est permis, qu'il est légiféré. Cinquièmement, qu'il est légiféré, hein, de mettre le plus vieux des fils en premier. Donc ça, c'est ce qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce qui est ordonné donc par la sharia. Mashru'iyyatu taghyir al-ism ghayr al-munasib ila ism al-munasib. Donc l'obligation, ça c'est le sixième point, l'obligation de changer un nom qui n'est pas convenable vers un nom qui est convenable. Donc, si quelqu'un il a un nom qui est pas convenable, c'est-à-dire un nom qui implique quelque chose qui est haram ou qui implique un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et donc dans ce cas-là, c'est pas permis de prendre ce nom-là. Et il faut le changer. Si quelqu'un l'a eu à la naissance, eh bien, il doit le changer. D'accord? Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.